Subir ou agir. Quelques constats, analyses et postures dans l'environnement actuel. Ouvrage publié en 2014 pour la première édition. Écrit par Henri Pérouse, lu par l'auteur et sa petite fille Eléa Pierce de Ravescott. L'enregistrement et les fonds sonores musicaux ont été composés et joués par Jacques Seignauvert. Le dialogue que vous allez entendre constitue la moitié du livre. L'autre partie contient de nombreux développements avec indication des sources d'information. Vous pouvez commander le livre sur le site de l'auteur www.perouse.fr.